Les papillons de ma jeunesse. Wings, François, François, ce soir, en exclusivité, au New César Palace. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, je gagne beaucoup. Mais oui, mais ma maman, elle t'aime pas. Alors casse-toi. Dis-lui, t'en prie, lui c'est un bon temps, mon enfant. Thank you.